Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui vont affronter les Tigres de Victoriaville lors de la série qui va débuter vendredi à Victoriaville. Les Sags, en fin de semaine, ont joué pour 500 au cours du week-end. Vendredi, les Sags ont gagné 4-1 contre la carte de Bécamo. Il y a Frédéric Allard qui est le climat et Mark Bruni qui ont marqué les buts. Et samedi, ben, les Saguenay ont perdu contre ces mêmes Drakkar par la marque de 4-1. Dimitri Zoukena a marqué le seul but des Saguenay. Du côté des Cataractes de Shawinigan, ils ont perdu 7-2 contre le Phoenix de Sherbrooke. Samuel Girard, un but, deux passes dans la rencontre. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, ils ont perdu 5-3 contre les Tigres de Victoriaville. Et autre défaite des Huskies contre l'Armada de Bainville-Boisbriand, 3-2. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont perdu 3-2. Contre Laval en prolongation, c'est Adam Rousseau qui est extraordinaire encore devant la cage pour permettre à Laval de créer l'égalité contre les Marquis 2-2 dans cette série. La série entre les Éperviers et de Normandin et les Saguenayens dans la Ligue de hockey régional est maintenant menée 3-1 par les Saguenayens. Les Éperviers ont évité l'élimination vendredi en gagnant 7-6. À noter que David Gagnon a marqué 2 buts et a amassé 2 passes. Il y a Mathieu Larouche qui a marqué 2 buts, de même que Jonathan Birbé. Et l'autre filet a été amassé par Samuel Dallaire. 3 passes pour David Alexandre et 2 passes pour Samuel Larouche. Et dans l'autre match, ben, les Saguenay ont gagné 8-4 contre les Éperviers. Dans le match pour les Éperviers, Vincent Boivin a marqué 1 but, 1 passe. Simon-Olivier Dumas, Guillaume Birbé et David Alexandre Doré ont marqué. Du côté maintenant de la série entre le Marcos Pop de Saint-Félicien et les Ambassadeurs Chicoutimi, ben la série est menée 2-0 par le Marcos Pop. Hier, le Marcos Pop l'a emporté 4-3. Simon Larouche, un but, une passe. Christophe Bélanger, de même qu'Anthony Gagnon et Simon Lepage. La réplique pour les Ambassadeurs est venue de Philippe Girard, qui a marqué, entre autres, un but pour les Ambassadeurs. Et vendredi soir, gain du Marcos Pop 6-2 contre les Ambassadeurs dans le match Vincent Birbé. 2 buts, une passe. Christophe Bélanger, 1 but, une passe. Il y a également Mathieu Deblois et Antoine Niquette qui ont aussi marqué. Et François Bouchard a marqué pour les perdants. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.